On a parlé de la filière, vous êtes au bout de l'autre bout de la filière. Qu'est-ce que vous voyez ? Ben, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Ben, que la venue de la voiture électrique, elle ne fait qu'amplifier évidemment les conséquences d'une digitalisation, d'une robotisation accrue. Les conséquences sur l'emploi ou sur le type d'emploi, ce sont surtout évidemment les jeunes peu qualifiés qui ont de plus en plus de difficultés à retrouver un emploi chez nous. D'ailleurs, la sélection à l'embauche est assez stricte. On constate aussi que les anciens ont de plus de mal à suivre l'évolution technologique. Les formations sont des formations assez poussées. Ça décourage évidemment les gens de 56, 57 ans à encore devoir s'investir dans de telles informations. Et que donc, inévitablement, le fait que ces emplois soient de plus en plus poussés vers le haut occasionne une dégradation en général, puisque le nombre de personnes ou le nombre d'emplois peu qualifiés chute beaucoup plus rapidement que le nombre d'emplois qualifiés qui sont créés. Donc inévitablement, la venue de la voiture électrique va occasionner à moyen terme des pertes d'emplois, ça c'est inévitable. Ben évidemment, oui, il y a toute une série de nouveaux équipements qui forcément vont créer de nouveaux emplois en Belgique ou ailleurs, mais il y a d'autres équipements qui disparaissent avec la voiture électrique. Hein. Je parlais tantôt de la disparition des boîtes de vitesse, il n'y a plus de vitesse à une voiture électrique. Hein. Donc tous les emplois qui sont liés évidemment à la fabrication des boîtes de vitesse vont forcément disparaître. Donc effectivement, il y a de nouveaux équipements, mais de toute façon, même ces nouveaux équipements, il suffit de regarder notamment la fabrication des moteurs électriques, des fameux moteurs électriques qui vont propulser la voiture. C'est une usine entièrement robotisée qui fabrique ces moteurs. Donc, les emplois qui sont créés par la fabrication de nouveaux gadgets sont eux aussi des entreprises qui n'emploient pratiquement plus de main-d'œuvre. Donc, je ne sais pas si la proportion ira dans le sens positif vers l'emploi de qualité de toute façon. Emploi de qualité, il y aura, c'est clair, mais certainement pas en nombre suffisant pour compenser les autres types de pertes d'emploi. Vous savez, aujourd'hui, les employeurs, si on parle du monde automobile, les employeurs ne sont plus les propriétaires. Ce ne sont que des gens qui accomplissent une fonction bien précise. La fonction bien précise, c'est de pouvoir assurer à cette entreprise de générer un produit qui lui-même va engendrer des profits à distribuer aux actionnaires. Donc effectivement, dans les conseils d'entreprise chez Audi Bruxelles, par rapport à la problématique de la voiture électrique et les dégâts écologiques que ça causera ailleurs, ben nous on n'en parle pas.